trop belle pour moi. Elle est trop belle pour moi. Trop belle pour moi. Elle est trop belle pour moi. Trop belle pour moi. Trop belle pour moi.